Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bon, aujourd'hui, petite émission spéciale. Je suis en présence d'une partie de la classe de seconde 1 bilingue du lycée Malraux qui est venue parler d'échanges franco-allemands, si je ne me trompe pas. Et je suis en présence de plusieurs élèves. Donc bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là pour parler de l'échange, mais vous êtes là surtout pour parler de quoi ? De notre échange donc franco-allemand. Nous sommes allés au gymnasium de Bad Eckingen. Donc c'est une ville qui se situe au sud de l'Allemagne, à la frontière de la Suisse, et elle comporte 17 000 habitants. Donc nous y sommes allés du 30 janvier au 6 février, et les élèves du gymnasium de Bad Eckingen sont venus du 12 au 17 mars. On va parler aussi des raquettes. On a fait une sortie raquettes à la montagne du Felbert. Donc c'est une montagne qui fait 1493 mètres d'altitude. C'est le point culminant du massif de la Forêt Noire. C'est le sommet le plus haut de Bade-Württemberg. Il y a une station de ski, une table d'orientation, un panorama jusqu'au Mont Blanc et une station météo à 1480 mètres. Elle a été utilisée pendant la guerre froide par les armées allemandes, françaises et américaines parce qu'il y avait des installations radar. On va aussi parler des différences qu'il y a en Allemagne par rapport en France. Alors tout d'abord, il y a plusieurs écoles qui sont situées comme des lycées et c'est classé par niveau, donc des plus faibles aux plus forts. Et à partir de la sixième, les classes changent. Donc eux, ils font sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième. Et en France, on fait sixième, cinquième, quatrième, troisième, seconde, première. Et en Allemagne, il y a beaucoup de personnes qui se déplacent en vélo, contrairement en France. Les horaires aussi, pendant qu'on mange, c'est pas les mêmes. Ils mangent beaucoup plus de fois qu'en France. Il n'y a pas vraiment de cantine dans les lycées, c'est plus des cafétérias. Et il y a beaucoup moins d'eau plate et c'est beaucoup plus de l'eau gazeuse. Et en Allemagne, il y a différentes recettes. Il y a la currywurst, c'est une saucisse au curry, une spécialité en Allemagne. Et ils ne font pas la bise, mais des câlins pour dire bonjour. Oui, donc ça c'est vraiment le sommaire un petit peu de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez vu. Mais on va reprendre les choses par le commencement. Avant toute chose, pourquoi avoir choisi de faire un partenariat avec cette école-là et pas avec une autre ? C'est le lycée qui a choisi l'échange-là, mais c'est un nouvel échange, un échange qui n'a jamais été fait. Donc du coup, c'était une première aussi pour le lycée, alors que il y a une deuxième classe bilingue au lycée Malraux qui fait un autre échange. Et là, il l'avait déjà fait, l'échange. Et donc si j'ai bien compris, vous êtes partie une semaine. Et vous avez été toute la semaine avec les élèves ou non? Vous avez aussi fait des raquettes? Vous avez fait d'autres activités? On a fait des activités avec les correspondants. Et aussi sans les correspondants, juste avec les Français. Et sinon, on était avec eux toute la semaine, on dormait chez eux, tout ça. Donc vous avez aussi été en immersion, j'imagine que vous avez vu qu'il y a des différences, on va dire, entre le mode de vie français et le mode de vie allemand. C'est quoi pour vous la plus grosse différence, le plus gros décalage que vous avez remarqué? Les horaires des cours. Puisque nous, on a parfois même des cours de 8h à 18h, alors que là-bas, ils avaient des cours jusqu'à 1h, parfois plus, mais c'était rare. Moi, c'était surtout... Ils mangeaient souvent pour le petit déjeuner, après vers 10h30, à midi, à 14h, et puis pour le repas du soir. Oui, moi aussi, ça m'a choqué parce qu'une fois, on est parti en sortie, on a mangé le midi, et à 16h, on est rentré et on a mangé un plat de spaghettis. C'était Un peu surprenant, un peu déroutant, j'imagine, mais peut-être que les Allemands aussi, quand ils sont venus chez vous en mars, ils ont aussi dû être déroutés. Ils vous ont, comment dire, est-ce qu'ils ont aussi constaté des différences, des choses qui leur ont fait bizarre, hein? Pour ma part, ma correspondante, elle était très fatiguée d'aller en cours toute la journée. Elle n'était pas du tout habituée. Elle disait qu'on avait des journées très chargées. Moi, ma choriste a été impressionnée qu'on arrive à tenir une journée de cours. Parce que eux, vu qu'ils n'ont pas une journée complète, elle était impressionnée de nous. Et vos correspondants, vous les avez aussi emmenés faire des activités ou ils ont fait des activités sans vous ? Oui, ils sont allés un jeudi, je crois, à Nancy, tout seuls, pendant que nous, on était en cours. Et on a fait des activités avec eux aussi les soirs. Voilà. Ils sont allés voir l'aquarium et ils sont allés faire les boutiques à Nancy, ouais. Et nous, avec eux, on est allés à l'acrobranche de Bol d'Air. Bol d'Air au niveau du ballon d'Alsace ? Au Spina Park. Ok, voilà, c'est bien précisé. Vous êtes resté quand même en contact, puisque mars, oui, il y a quand même 2 mois et demi qui sont passés depuis. Vous êtes toujours en contact avec vos correspondants ? Vous continuez à discuter avec eux ? Moi, plus du tout. Bah, de temps en temps. Oui, moi j'ai plus des contacts avec les autres correspondants qu'avec la mienne. Mais moi aussi. Ouais, moi aussi. Ah, c'est assez marrant ça. Mmh. Est-ce que vous savez pourquoi ? On était. Il y a eu des affinités autres qu'avec notre correspondante et on avait plus à se parler peut-être avec d'autres Allemands. Et ça c'est une question qui semble un petit peu évidente, mais pour communiquer, vous avez, j'imagine que vous passez par Facebook, vous avez d'autres moyens ? D'autres réseaux sociaux. Oui. Mais lesquels ? Snapchat. Oui, Instagram. Mais c'est essentiellement par les réseaux sociaux. On s'envoie pas de lettres ou des choses comme ça. Et dites-moi, vous avez, est-ce qu'il y a un souvenir ? C'est peut-être quelque chose que je vais vous demander de répondre chacun. Un souvenir vraiment marquant quand vous êtes allé en Allemagne ? Moi, ils font beaucoup de soirées, je trouve. Pratiquement tous les soirs. Ils se retrouvent, comme ils n'ont pas cours l'après-midi, ils se retrouvent tous l'après-midi tout le temps. Et ils sont souvent vraiment tous ensemble, du coup ils sont vraiment unis. Pour ma part, c'était la générosité. Moi, j'ai été dans une famille où il y avait juste la maman et sa fille, donc du coup ma correspondante, et j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment généreux et qu'ils m'ont tout donné. Même parfois des choses qu'ils n'avaient pas, ils ont tout fait pour moi, quoi. Moi, pareil, c'est l'affection. De la famille, quand on est parti, toute la famille nous a fait un gros câlin. La maman avait presque les larmes. Enfin, c'était super émouvant. Et est-ce qu'avec ça, vous espérez ou vous aimeriez peut-être retourner en Allemagne parce que vous êtes bilingue, donc le but, c'est quoi le but à terme en fait dans les classes bilingues ? Faire des rencontres et puis apprendre encore un peu plus l'allemand, comme on est immergé dans la langue. Mais l'anglais aussi, vu que le bilingue, c'est anglais-allemand. Oui, c'est de pouvoir parler autant allemand qu'anglais, normalement. Cette année, on est tombé sur l'Allemagne, mais on aurait bien pu tomber en Angleterre ou en pays anglophone. Et d'ailleurs, tiens, ça c'est une question... pourquoi avoir choisi bilingue ? Justement, pour l'échange et puis pour savoir mieux parler après l'allemand et l'anglais. Et on sait que ceux qui prennent bilingue, c'est ceux qui sont vraiment déterminés à vouloir apprendre. Donc on sait que c'est une classe qui a des moteurs, enfin qui est dynamique, qui a un bon niveau. Et voilà. C'est le cas pour tout le monde. Alors qu'est-ce que je peux vous demander d'autre ? Écoutez, je vous remercie beaucoup pour vos témoignages. C'était très enrichissant. J'étais très contente de vous recevoir. Et puis voilà, passez une bonne journée tout le monde. Merci. Bonne journée. Au revoir. Qui nous ronge, on a changé. je te hais de tout mon corps, mais je t'adore. Avec la classe la seconde 1 bilingue du lycée André Malraux de Remiremont, bien entendu. Mais cette fois, c'est un nouveau groupe qui vient nous raconter une autre expérience, une autre chose hein, qu'ils ont envie de raconter sur tous ces vécus qu'ils ont eu dans leur voyage en Allemagne. Et puis bon, je vais commencer par toi, dont j'ai déjà oublié le prénom. Marion. Marion, alors qu'est-ce que tu es venue dire dans nos micros ? Eh bien, je suis venue parler de la famille dans laquelle j'ai été accueillie. Alors, c'était vraiment une super famille. Je me suis tout de suite très bien entendue avec ma correspondante et ses parents. On a fait beaucoup, beaucoup de choses en famille. On est allé au cinéma, on a fait des activités, on est allé dans des musées et tout. J'ai aussi fait beaucoup de jeux de société avec sa sœur, qui était aussi très gentille. Sa mère était très accueillante. J'ai pas vu beaucoup son père, mais c'était vraiment des gens formidables. Et je vais essayer d'y retourner pendant les vacances d'été, comme j'ai encore contact avec ma correspondante. Et elle viendra sûrement chez moi. Non, mais c'est super. Et j'imagine que ça c'est déjà ressorti dans le groupe précédent, hein, l'accueil et la générosité des familles. C'est le cas aussi pour d'autres d'entre vous? Oui, à peu près toutes les familles ont été chaleureuses et très gentilles. Et ce qui était plus pratique aussi, c'est que certaines familles parlaient très bien français. Donc c'était plus facile pour parler avec les parents et puis les enfants. Mais il y en a d'autres qui avaient aussi des dialectes, et là, c'était un peu plus compliqué. Mais en général, je pense que tout le monde a quand même réussi à discuter avec sa famille. Et puis, avec les familles, on a pu faire beaucoup de sorties. Comme ils n'ont pas cours l'après-midi, comme l'a dit le groupe précédent, on a pu aller à la piscine de Patekingen, on a pu sortir en ville, on est allé à Bâle, on a pu faire des jeux de belote, ça a été le cas pour Marie, on a fait du kart et également des balades. On a pu également découvrir des spécialités de là-bas comme le currywurst, la banane grillée, les œufs le dimanche matin. Les repas, ils sont souvent confectionnés maison, donc ils sont très bons. Et ce qui est différent par rapport à la France, c'est qu'ils ont un goûter le matin, donc à la pause de 10h, car ils quittent les cours à 13h. Et il y a également beaucoup de bretzel en Allemagne. Comme en Alsace, hein, je me permets quand même de le souligner. Est-ce qu'il y a une spécialité culinaire qui vous a toutes marquées spécialement et que vous avez peut-être tellement aimé que vous la faites chez vous maintenant? Non, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment. Non, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de spécialité que j'ai vraiment adorée. Ben, moi, il n'y a pas de spécialité, mais comme c'était mon anniversaire quand j'étais en Allemagne, ma correspondante m'avait fait un gros gâteau au chocolat très bon et j'ai pu récupérer la recette, donc je suis assez contente. Ah, mais c'est bien, ça montre encore une fois la générosité de la famille qui t'a accueillie. Oui, ils m'ont offert des cadeaux, tout, comme si vraiment je faisais partie de leur famille. Oui, parce que c'est une question qui me vient d'un coup. Avant, vous ne vous connaissiez absolument pas. On avait déjà eu plusieurs contacts par mail, mais on ne s'était jamais rencontrés, non. Et donc, comme tu l'as dit, Marion, c'est ça, tu restes en contact avec ta famille. C'est aussi le cas d'autres d'entre vous. Vous êtes encore en contact avec vos corresses? Oui, moi, oui, je lui envoie souvent des emails et je vais lui demander si elle peut venir cet été chez moi, vu qu'elle n'a pas pu rester très longtemps, vu qu'ils ne sont pas restés le week-end. Et comme moi, je suis à l'internat, elle a vu mes parents qu'une soirée, donc c'était un peu rapide. En effet, c'est un peu triste. Mais vous avez aussi vécu d'autres choses en particulier. J'imagine que ces deux demoiselles qui ont quelque chose à raconter. Oui, on a participé, beaucoup d'entre nous ont participé au carnaval. Donc il a commencé en 1824. À l'origine, c'était pour se défouler avant le carême, où il y avait beaucoup de restrictions. Donc c'est un peu la fête des fous. Et c'est la plus grande fête païenne de l'année. On a fait le carnaval donc à Mourgues. Et il y a beaucoup de lancers de bonbons et divers objets, contrairement en France où c'est moins festif. Voilà. Donc les gens ils portent aussi des masques en bois qui sont artisanaux. Et ceux qui défilent sont plutôt farceurs. Ils s'amusent à faire des farces aux filles plutôt blondes et aux yeux bleus. Donc ça a été mon cas, on m'a volé des lacets. Et puis ils s'amusent aussi à nous lancer des confettis, à nous mettre dans des bacs de confettis. Est-ce que ça a quand même été une bonne expérience pour toi ? Oui, ça a été une bonne expérience. Et ça a été votre cas aussi à vous autres ? Ben oui, c'était assez rigolo parce que c'est pas du tout comme en France. En France, oui, c'est festif, mais il n'y a pas des parades comme ça de groupes. Ils s'entraînent toute l'année pour faire ce carnaval. Donc c'était bien de voir un peu d'autres coutumes pour le carnaval par rapport à la France. Et oui, comme vous l'avez dit, la différence est importante, avec tous ces lancers de bonbons et tout cet aspect beaucoup plus festif. Et pour vous, ça vous a fait... c'est un souvenir qui restera marqué longtemps, selon vous ? Oui. Oui. Est-ce que vous avez aussi un souvenir en particulier pendant votre voyage en Allemagne que vous avez envie de raconter ? Moi, c'était un moment dans ma famille... les soirs on se regroupait tous ensemble et on jouait à des jeux de société en buvant de la tisane. C'était amusant et on passait des très bons moments ensemble. Bon, ben, je sais pas si vous avez encore une dernière chose à ajouter. Moi, ce qui m'a le plus marqué en Allemagne, c'est que dans ma famille, ils buvaient énormément de thé. Ils buvaient pas de l'eau, ils buvaient du thé. Mais du thé chaud ou du thé... Chaud, oui. Parce que, oui, vous êtes aussi allé là-bas en janvier, si je ne me trompe pas. Et puis après, est-ce que... C'est vrai, une de mes dernières questions. Est-ce que vous avez, quand vous avez reçu vos correspondants, montré quelque chose en particulier pour un peu montrer votre culture ou dire, voilà, c'est comme ça que moi je vis en France? Nous, vu qu'on était, moi personnellement, vu que j'étais à l'internat, j'ai pu lui montrer mon quotidien de vie à l'internat qui n'est pas du tout le même que les gens qui sont demi-pensionnaires, vu qu'on ne voit pas du tout la famille la semaine. Du coup, elle a pu voir mon mode de vie et je pense que ça l'a un peu perturbée parce qu'avant qu'elle vienne, elle me posait plein de questions, elle angoissait un peu. Mais au final, quand elle était là, ça lui a bien plu. Moi j'ai pas eu l'occasion de lui montrer grand chose non plus, mais comme elle va revenir pendant l'été, je compte l'emmener au ballon d'Alsace ou faire des choses pour découvrir la région. C'est super tout ça. Rien. Bon bah écoutez, je vous remercie toutes autant que vous êtes pour vos témoignages, hein, et j'imagine que c'est quelque chose de très enrichissant qui restera vraiment gravé longtemps dans vos mémoires. Oui. Oui. Oui. Das sowas von sowas kommt. Paris und keinen Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn fliegen. Et on est toujours avec la seconde 1 du lycée André Malraux de Remiremont. Oui, c'est ça. La seconde bilingue, bien entendu, qui est partie faire un voyage en Allemagne en janvier et qui a reçu ensuite en mars sa classe correspondante. Avant que vous parliez à nouveau de votre ressenti, vous pouvez me rappeler à nouveau quelle école c'était, où ça se situait ? Alors, c'est une école qui se situe à Bad Sachingen. C'est dans le sud de l'Allemagne, tout près de la Suisse. Vraiment à la frontière. Ok, donc vous êtes parti pendant une semaine environ, et vous les avez reçus une semaine ensuite. Vous êtes aussi venu parler des différentes activités que vous avez faites là-bas, c'est ça ? Oui. Donc on t'écoute. Donc on a fait une sortie à Fribourg. C'est une ville assez peuplée et connue, qui se situe dans la forêt noire. Donc on a commencé par visiter la ville, et plus particulièrement la cathédrale. C'est une cathédrale gothique qui a été construite au XIIIe siècle. Et donc après avoir visité cette cathédrale avec un guide, on a été libre pendant une petite heure pour pouvoir faire nos achats de nos souvenirs de l'échange. Et c'est tout ce que vous aviez fait en activité, en dehors, bien sûr, je le rappelle, des raquettes au Feldberg, mais ça, c'est le groupe 1 qui en a parlé. Vous avez fait d'autres choses aussi avec et sans les correspondants ? On a fait un rallye dans Bad Sachingen, qui était organisé par les correspondants allemands, et ça nous a permis de découvrir la ville et les différents endroits qu'ils aimaient visiter. D'autres activités à raconter ? Il y a eu des activités quand nos correspondants sont venus en France. On a tout d'abord fait la visite de la mairie de Remiremont, en présence du maire et de son adjointe. Il a raconté l'histoire de la ville ainsi que celle de la mairie. On a visité toutes les salles, comme la Réunion, son bureau ou encore le temple. On a aussi fait une sortie au Spina Park à Épinal. C'est un parc d'acrobranche et on a fait différents groupes par parcours. C'était amusant et il y avait beaucoup de tyroliennes. Après ça, on a fait aussi un rallye à Remiremont, mais c'était un jour de pluie, du coup c'était un peu embêtant. On a pris de nombreuses photos, on a évité les rues commerçantes, enfin, fait une visite de la ville. On a aussi fait la visite d'un des musées de Remiremont, le musée Charles de Bruyère. Avant, à Remiremont, il y avait un monastère sur le Saint-Mont, dirigé par des femmes, les chanoinesses. Les chanoinesses, elles provenaient de toutes les familles nobles européennes qui étaient là. Elles étaient là pour grandir et avoir un rôle politique. Elles n'étaient pas destinées à se marier. C'était une des seules villes à l'époque qui était dirigée par les femmes. Donc ça, c'est par rapport aux activités que vous avez faites, mais bien entendu, vous êtes partis une semaine en Allemagne et après, vous les avez reçus une semaine ici en France en mars, mais vous êtes partis en janvier, je le rappelle. J'imagine que vous avez fait des choses, vous avez vécu quand même au sein des familles, vous avez peut-être un ressenti sur cet échange. Au début, on a trouvé ça intimidant, on était assez timide, mais au fil des jours et de la semaine, on s'est plus ouvert à eux et... Au final, on a pu en profiter un maximum de ce voyage. Et au final, on a tous eu un avis positif sur le voyage. C'est votre cas à tous ? Ah oui, ça a été pour nous tous un bon voyage. Surtout quand ils sont venus en France. On était un peu moins timides, donc on a pu mieux passer du bon moment. Car on se connaissait déjà. On savait déjà quelle activité ils pouvaient aimer, et ils ont dû profiter dès le début. Et comme vous êtes maintenant, vous avez été quand même en contact, vous avez vécu l'un chez l'autre, vous avez vécu quand même 2 semaines ensemble, vous êtes toujours en contact avec vos correspondants ? Oui, un petit peu, notamment sur les réseaux sociaux, on se parle toujours. Et on reste, je pense, amis, enfin, tout le monde, je pense. Moi, pour mon cas, il n'y a plus de contact. Enfin, on se parle plus. Moi aussi. Mais c'est pas grave, vous allez peut-être rencontrer d'autres personnes avec qui ça va matcher. Enfin, si vous n'êtes plus en contact, c'est pour quelle raison ça n'a pas matché ou juste les liens se sont simplement étiolés avec le temps? Ouais, j'avais pas trop envie. Et pour les autres, tu as parlé de réseaux sociaux, donc j'imagine que c'est Facebook, Snapchat, Instagram. Oui. Il n'y en a pas d'autres? Non, pas vraiment. Et d'ailleurs, ça c'est une question qui me vient. Alors ici, on est très réseaux sociaux, hein, en tout cas en France. C'est peut-être une question de génération. Mais est-ce qu'en Allemagne aussi, ils sont tellement branchés réseaux sociaux et dépendants à ce point, dépendants à la technologie? Mais bon, je parle pas que pour vous, je parle aussi pour moi. Hein. Oui, je pense. En tout cas, ma correspondante, elle l'était. Peut-être même plus que moi. Donc oui, je pense. Et vous aussi, par rapport aux réseaux sociaux, il n'y a pas eu trop de... décalage ou vous êtes non. Toujours vous communiquez sur les mêmes réseaux sociaux aussi? Bah oui. Bah dans le monde c'est un peu tous les mêmes, on n'a pas de réseaux différents. Donc c'est assez facile de communiquer avec eux. Mmh. Et même si bon vous communiquez, vous avez quand même pour certains matché et gardé le contact. Est-ce que vous avez ressenti un certain décalage dans la façon de vivre en Allemagne et eux quand ils sont venus en France? Pas vraiment. Ben, pour moi non, mais après les autres je sais pas, mais pour moi non. Ben, c'était comme une personne que je connaissais depuis un moment et puis on a voilà, on se ressemblait un peu. Non, pas de commentaires sur les différents modes de vie. Bon, bah, écoutez, je pense que c'est tout pour nous. Je vous remercie beaucoup d'être venu vous adresser dans nos micros pour parler de votre expérience en Allemagne. Et puis voilà, merci à tous d'être venus aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous.